Galaxy out of time. Stop. Galaxy Radio de tous les numéros avec Elias. Don't stop till you have you get enough. Fréquence 95-30, 10h08, Ulysse en étalé. On le retrouve dès demain matin, 7h du mat. À bon entendeur, salut, nous vous saluons bien bas. Si vous bossez ce matin, bon courage à tous. Place à Am avec Range. Et juste avant de se l'écouter dans sa version intégrale, attention, une bonne nouvelle, c'est assez rare pour le signaler. Ça se passe du côté des médias, de la télévision. Castaldi progresse. En effet, le jeu 1 contre 100 aurait séduit 4,5 millions de téléspectateurs en moyenne la semaine dernière, soit 666 100 de plus que les premiers jours. Et comme en ce moment l'audience des télévisions n'est pas terrible, quand ça va bien, il faut le dire, c'est positif. Galaxy. Good for the mind. Kezako, je vous le rappelle, Am, Reg, le remix, label Defected. Bonjour, bienvenue. Galaxy. minutes hier, séquence Retrozone sur Galaxy. DJ Rush avec Freaks on Ubar dans Galaxy. Galaxy. Only, only, only house. La nouveauté sur Galaxy avec à venir à suivre le dernier en date de Serotone signé Matt O'Brien. Il est 10h21, salut si vous venez de nous rejoindre. Tiens, une idée de sortie pour ce dimanche justement, du côté du H2O, nouveau concept inauguré il y a quelques semaines, baptisé Diversus, concept rétro tendance avec aux commandes H3O et l'ami Gauthier, à bon entendeur salut. D'autres idées de sortie, de soirée pour les vendredis, samedi ou dimanche sur galaxyfm.com, rubrique info soirée Galaxy. Galaxy, Galaxy, number one for news. Radio Galaxy, news. 95.3. BLN, now I learn what I learn in the LDN. Taking it through to the VLN. There's a lot I can learn from the VLN. And I'm gonna match it up with the LDN. I don't need to brag about the East End. Got the best of both worlds in it in the end. Why's everybody chatting about the LDN? When we know what's going off in the VLN. Just looks like they're popping up in marketing. I got a bigger budget out for the LDN. Every time an MC mentions the Big Ben, the Queen of Carmelo, she will sponsor them. They're trying to build a hype about the LDN. Just like the Double Jungle and the Beatles back then. You wouldn't see me wearing no Union Jack. You wouldn't see me waving no German flag. You wouldn't catch me with a flat from a Tamil Dad. Cause I really think the flags are really rather whack. Whack, whack, whack, whack. Whack, whack, whack, whack. By the LDN, no matter, all flying to the BLN. Hold the biggest choice on the easy jet. Coming to Berlin to get out of their head. Just too many rules in the LDN. You're not allowed to do much in the LDN. Party people free in the BLN. They never close the club even at 10 a.m. No people wearing sizzler to run round them. No drink up, drink up security men. When I was 22 I had enough of them. Sitting on the tube and about to close at 10. I mean 11. That thing is that what makes with all Berlin, Berlin. That there ain't nobody wanna shine. BLN, BLN, BLN. Comme si l'on pleuvait sur Galaxy avec à l'instant le dernier en date de Jacuzzi sur la fréquence que vous avez choisie. 10h à 29 minutes et 20 secondes. Bienvenue à bord du direct, comme d'hab, avec un maximum d'informations de proximité, avec par exemple le centenaire des 3-5 de Beaulieu. Ce dimanche 18 février, 15h30, Maison de l'éducation permanente de Waterloo. Il s'agit d'une comédie en deux actes de Bruno Druard. Pour en savoir plus, 0320 80 53 21. À noter également le festival Contes et Légendes au théâtre de la Rionderie de Marc-en-Barœul. Ça c'est pour la période du 22 février au 11 mars prochain. C'est le rendez-vous incontournable des plus grands conteurs qui réinventent la littérature orale, avec notamment la complicité de vous, c'est-à-dire le public. Spectacle, atelier, projection, scènes ouvertes à destination des 7-77. Renseignements 0320 45 45 54 ou sur marc-culture@marc-en-barœul.fr. Et puis exposition La Féerie du Rail, programmée les 24 et 25 février prochains. Ce sera sans interruption de 10 à 18 heures. Ça se passe à la salle des fêtes Pierre Hermand de Wascal. Découvrez grâce à de nombreux passionnés ce que le modélisme ferroviaire a de magique au travers de ses maquettes, machines, décors et histoires. Plus d'infos 06 66 64 87 33. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. Qu'est-ce que je vous disais ? vrai punch actuel avec Freddy. Des mélodies agréables. De 6h30 à 6h. Des cœurs impeccables. Bienvenue. Avec Freddy sur Galaxy, avec c'est de la folie. Galaxy, c'est de la folie. Galaxy 95.3. Shine so bright, my body starts to glow. I'm feeling so fine, the vibe is so right. I'm melting on the floor. Here I go again, take my bath in champagne and leave the world behind. I'm getting alive and my temperature rises. Thank you. Des nouveautés comme si l'on pleuvait avec à venir à suivre sur Galaxy et à découvrir Andrew Cade en Felix. La version originale, il est 10h déjà 45 minutes. Des nouvelles de Paris Hilton, alors qu'elle est immortalisée, vous le savez peut-être, depuis le 23 janvier dernier en sculpture de cire. Mais au musée Madame Tussauds de New York, Paris Hilton vient donc de gagner également son procès contre le site internet qui présentait des photos, des vidéos, des enregistrements de ses conversations ou encore des reproductions de son passeport et de son carnet de santé récupéré après une vente aux enchères effectuée par un garde-meuble non payé. Bref, la blonde platine avait déclaré à la presse qu'il s'agissait d'une des invasions les plus répréhensibles dans l'intimité d'une star. Le juge, de son côté, a donc statué et interdit au site de continuer de montrer certains objets, comme par exemple ses numéros de sécurité sociale ou encore de téléphone, sans oublier bien sûr ceux de son compte en banque. C'est donc une affaire qui roule pour Paris Hilton. Galaxy. Galaxy. Welcome, welcome, welcome to the world of music.

qu'il n'y a pas que 50 bons disques écoutés par semaine. Parce que Galaxy, c'est l'autre dimension du son. Place à Dafresh, à l'instant avec Electronic. Super Freak, dans une poignée de secondes, rendez-vous avec David Vendetta, gros carton, partout en Europe, et Snake Justice. Il y a Akram dans le tas, dans Olidos para la Musica. Galaxy in the world, partout dans le monde. Hey, this is Ken Spector from Los Angeles, California, and I produce As Lens. I listen to Radio Galaxy on the web. Bonjour à tous, ici Mikas, the Progressive Blues Record. Je suis maintenant au Canada. As you could Galaxy sur le net. Hi, it's Nicola Gala from Perasma, String to Harmony. I live in Greece and now I can listen Radio Galaxy 95.3 FM on the web. That's great. Hey, toi aussi tu veux écouter Galaxy sur le net. Tape live.galaxyfm.com. Galaxy. Don't stop. Music. Galaxy vous donne l'heure, il est 11h du mat déjà.

Rouge sur Galaxy. Fréquence 95-30 à l'instant, les Rockers Ify. Seulement rien que juste dans ta radio. Tu te rends compte, il est déjà 11h10 et j'ai des nouvelles de Brad Pitt à vous donner, les filles. Eh oui, Brad Pitt qui investit de nouveau. Vous le savez, Angelina Jolie, sa compagne, l'a toujours dit. Hors de question d'élever mes enfants à Hollywood. Alors voilà, le beau Brad Pitt vient de casser sa tirelire pour accueillir, devinez quoi, une modeste maison, un modeste pied-à-terre de quand même quelques 600 mètres carrés, où ça, en plein cœur de Berlin, en Allemagne donc, en Europe, pas loin de chez nous finalement. Hein. En clair et sans dax, si vous en avez les moyens, c'est peut-être le moment ou jamais d'investir dans le secteur avec Brad Pitt comme voisin. À mon avis, ça ne peut que monter. It's time for house. Là, c'est Sébastien Léger que vous connaissez tous, Aqualight. Galaxy. We'll be right back. Standard de l'époque dans la rétro zone. Space Fog, X-Ray, Follow Me on Galaxy. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Thank you. s'arrête pas la musique de votre côté, vous n'éteignez surtout pas la radio, ça va de soi. Galaxy, la musique ne s'arrête jamais. À l'instant, il y avait Rayo dans Brazilian Mandoline, 11h24. Quelques idées de sortie rapidement avec par exemple des endroits à découvrir comme régulièrement le Bounce Factory, Gorham Croix Belgique et le Lawrence Club. On claire la seconde salle, la soirée du samedi soir notamment, avec les résidents de l'endroit, Laurent Top, Sipi, Mickaël, Forza, Andrew. Si vous cherchez d'autres idées de sortie de soirée, comme par exemple chaque vendredi soir, le concept Clubbing Spirit, c'est à la bûche avec Samuel Sanders, Silver Sea, Frank J et Steven. info@galaxyfm.com, ça c'est pour questions et suggestions, ou encore galaxyfm.com, vous cliquez info soirée galaxy et vous saurez tout. Il y aura tout un tas d'idées de sorties de soirée pour les vendredis, samedis et dimanches. C'est dit tout de suite, nouveauté avec Trust Me signé Kiki. Galaxy number one for news Radio Galaxy News. bienvenue dans le monde fantastique de la musique intergalactique à 11h30, direction la formation de proximité avec Jeux de scène, programmé les jeudis 22 et vendredi 23 février 20h30, c'est au CSE de Waterloo. Il s'agit d'une pièce de Victor Haim, proposée par la compagnie Théâtre, Règlement de compte, Rancœurs enfouis, bref, une comédie au scalpel, entre satire et dérision. Renseignements 0320 99 91 19, ou pour en savoir plus, c'est contact@théâtre.com. Le Salon international des collectionneurs des arts de Roubaix, programmé les 3 et 4 mars prochains, c'est à la salle du Centre Aéré, située avenue du Docteur Fleming à Roubaix. Cette 32e foire déjà aux collectionneurs proposera entre autres à l'exposition La publicité à portée de main. Ouverture de 10 à 18 heures. Plus d'infos 06 89 54 20 25 ou sur http://salondescollectionneurs.over-blog.com. Et puis à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Claire Diterzi sera en concert le jeudi 8 mars prochain, 20h30, boîte à musique située rue Amédée Prouveau, Waterloo. Auteur-compositeur-interprète, Claire Diterzi impose sa singularité avec des textes fluides, lumineux et lyriques. Infoline 0320 75 85 86 pour en savoir plus sur Claire. Sur le net, c'est clairediterzi.fr. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. Le meilleur de la scène régionale, c'est avec Shana. Il est interdit. Attention, maintenant, tout peut arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Afin d'éviter les effets de panique, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est interdit de siffler. Il est interdit de crier. Il est interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est interdit de siffler, de crier et de taper dans les mains en même temps. D'éviter de vous affoler, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est formellement interdit de sauter. Il est formellement interdit de hurler. Il est formellement interdit de délirer avec son voisin. Et surtout, il est strictement interdit de sauter, de hurler et de délirer avec son voisin en même temps. Cet homme est un tueur à gages. Il sera animateur radio. Salut tout le monde. Je sais dire ok, yeah, cool, nope, fuck you, bastard. Aujourd'hui, il y a Stéphane. Stéphane Laroche. Oui, celui-là. Ah, c'est... J'adore. Oh, c'est génial. Bienvenue, chers amis. Merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir écouté. la gloria e l'onore, donne e benedizione, a te solo altissimo e confano. Et nul uomo è né digno temente vare, laudato sia mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sur lo frate sole, lo quale giorno, e t'allumini noi per lui, e te lo è bello, e radiante con grande splendore. De te altissimo porta significazione, laudato sì mi Signore, verso la luna e le stelle, il cielo le giornate clariche, e preziose e belle. Yeah. Galaxy, ça déménage, ça débloque, ça rend complètement dingue. L'autre dimension de la FM avec encore plus de musique, encore plus de direct garanti, 11h44 minutes. Ben McLean, instant, Photon Tiger, Lily Feel Together, Illico Presto. Il y aura Junior Jack avec See You Dancing. C'est le dernier en date et puis une bonne nouvelle. Imaginez Didier Vampa sautillant sur la scène de la finale de l'Eurovision de mai 2007 prochain. Un rêve déliropunk peut-être bientôt devenu réalité. En effet, avec les Fatal Speakers ou encore les rappeurs du ministère des Affaires Populaires, on apprend que les Vampas affrontent en effet partie de la présélection de France Télévisions pour représenter l'Hexagone, en route donc de variété le plus kitsch d'Europe. Rendez-vous donc début mars prochain sur France 3 avec un vote public jury qui choisira donc en prime time le rose ambassadeur. En tout cas, peut-être enfin que cette année pour la France, ça va booster. Galaxy, save the rhythm. Save the rhythm. À ne pas manquer, par exemple, tiens, ce week-end entre midi et 14h sur la fréquence 95-30, DJ ADN pour le meilleur de la scène Retro House, par exemple. Il y aura dans la foule également Michael H, 14h-16h, grand moment pour tous les amateurs de trance. Rendez-vous dans la foule avec Sly et Dickens, Dancefloor, Jérôme et Byron, bien sûr, grand moment, avec Wesley pour un rendez-vous incontournable. Dans la foulée également, il y aura Man Ray, sans oublier bien sûr Prélude, suivi de DJC. Voilà pour quelques rendez-vous de ce dimanche. Sympatoche. Music remains on top. Happy days on Galaxy.